Vous somnolez tranquillement sur une chaise longue en vous chauffant au soleil du printemps. Et tout à coup, vous ressentez un petit choc sur la joue. Oh, presque rien. Un contact à peine perceptible. Et juste après le petit choc, un petit bruit que vous reconnaissez sans même ouvrir les yeux. C'est le bruit que fait un gravier en tombant sur le sol dallé de la terrasse. En fait, c'est beaucoup plus que cela. C'est le bruit qui va déclencher une aventure inoubliable. Aujourd'hui, rien à signaler au Pin d'Or, la clinique du docteur Millardot au bord de l'Atlantique. L'établissement est calme. Comment en serait-il autrement ? La cinquantaine de malades qui séjournent ici sont pour la plupart immobilisés sur leur lit ou, dans le meilleur des cas, assis sur des voiturettes que les infirmières déplacent au gré des besoins et de la météorologie. Ce matin, le docteur Millardot a rassemblé dans la salle à manger le personnel et les malades qui peuvent se déplacer. Il a annoncé « Mes chers amis, je vous ai réunis pour vous faire part d'une nouvelle importante. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'obligent à vendre la clinique des Pins d'Or. Ces choses faites, et la clinique sera fermée à la date du 30 septembre prochain. Bien sûr, nous ferons tout pour le reclassement du personnel dans d'autres établissements de la région. Quant aux malades, ils seront, si besoin est, installés dans d'autres cliniques de même catégorie. Malades et personnel accueillent la nouvelle sans enthousiasme. Voilà 30 ans que la clinique du docteur Millardot fonctionnait. Sa réputation n'était plus à faire et tous les lits étaient occupés en permanence. C'est la fin d'une époque. Il faut s'y résoudre. C'est quelques heures plus tard qu'un premier malade reçoit un premier caillou qui retombe près de sa voiture. Qui m'a envoyé ça ? Personne ne répond à la question. Le malade, Hervé De Witt, est bien incapable de bouger pour voir où se cache le plaisantin qui vient de lui expédier ce tout petit caillou sur le nez. Aussi décide-t-il d'ignorer la chose et de se rendormir au soleil sur la terrasse qui donne vers la mer. Encore, qu'est-ce qui fait ça ? Un second caillou vient d'effleurer le nez d'Hervé. Lui aussi est retombé sur le dallage de la terrasse. Hervé pense que celui ou celle qui se livre à ce petit jeu n'est pas très drôle. Quelle idée de jeter des cailloux sur un malade qui peut à peine bouger ! Quand l'infirmière vient pour emmener Hervé jusqu'à la salle à manger commune, Hervé lui dit « Quelqu'un m'a jeté des cailloux. Je n'ai pas pu voir d'où ils venaient. J'ai eu comme l'impression que ça venait du toit. C'est pas très drôle. » L'infirmière regarde Hervé. Elle est perplexe et dit enfin « Vous aussi, vous avez reçu des cailloux. » C'est bizarre. Madame Lemerson était sur l'autre terrasse, eh bien... Elle aussi vient de me dire qu'on lui avait jeté des cailloux. Et effectivement, il y avait des cailloux tout autour de sa chaise, même que certains étaient plutôt importants. Elle aurait pu être blessée. Elle a été blessée ? Non, non, absolument pas. Mais elle a nettement ressenti le choc des cailloux. Même pas un choc, d'ailleurs, une sorte de frôlement. Dites donc, monsieur De Witt, vous ne soyez pas en train de nous monter un bateau, vous et madame Lemerson ? Aujourd'hui, on est le 1er avril, hein ? Cette histoire de cailloux volants, c'est un peu suspect. Mais enfin, mademoiselle Isabelle, où est-ce que j'aurais pu me procurer ces cailloux, à votre avis ? Et madame Lemerson, elle est tétraplégique. Vous la voyez en train de ramasser des cailloux ? Et où les aurait-elle cachés ? Isabelle réfléchit. Oh, je ne sais pas. Il suffirait qu'un malade ou une malade valide aille les ramasser dans le parc ou sur la plage. Vous savez, il y en a qui s'amusent d'un rien. À partir de ce premier incident, presque chaque jour, des cailloux continuent d'atterrir sur les malades, surtout ceux qui sont en train de se reposer en plein air. Non seulement M. De Witt et Mme Lemerson, mais encore sur une vingtaine d'autres qui peuplent la clinique. Et la grande majorité de ces malades sont presque entièrement immobilisés. Ces événements bizarres sont signalés au docteur Millardot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cailloux ? Ce sont peut-être des oiseaux qui grattent les tuiles du toit pour y chercher des insectes. Vous savez, docteur, la personne qui reçoit le plus de cailloux, c'est Béatrice. Béatrice est une malade qui est traitée pour des troubles affectifs. Elle est jolie, charmante, mais elle marche normalement. Une enfance malheureuse en a fait un être qui ne possède aucune confiance en elle-même. Voilà 10 ans qu'elle est mariée, et elle se désespère, car elle n'a pas donné d'enfant au mari qu'elle adore. Le docteur Millardot convoque Béatrice et lui fait les gros yeux. Il essaie de lui faire avouer qu'elle se livre à une farce, somme toute innocente. Mais Béatrice nie toute responsabilité dans les chutes de cailloux volants. « Docteur, je vous assure que j'y suis pour rien. C'est vrai, les cailloux semblent me poursuivre. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un infirmier qui voulait me faire des niches. Mais je n'ai jamais vu personne. Même quand les cailloux me frappent dans les couloirs de la clinique ou dans ma chambre. » Le 31 juillet 1964, Béatrice, remise de ses complexes, quitte définitivement la clinique des Pins d'Or. Et le plus étrange, c'est que le mystérieux farceur invisible continue à bombarder les autres malades, même après le départ de la jolie femme stérile. Béatrice est immédiatement remplacée par une autre jeune femme, Charlotte Vazertan, elle aussi charmante et juvénile. C'est désormais Charlotte qui semble la cible préférée du lanceur de cailloux. Surtout quand Charlotte se trouve à l'extérieur du bâtiment, on remarque un détail. Si les cailloux de plus en plus nombreux et de plus en plus volumineux viennent atterrir sur le lit d'autres malades, tout est réglé comme du papier à musique. Charlotte apparaît dans les minutes qui suivent. Le docteur Millardot convoque Charlotte et lui tient à peu près le même langage qu'il a tenu à Béatrice. Mais Charlotte est très évasive. Je ne comprends pas. Oui, c'est un petit peu agaçant, ce lanceur de cailloux. Ce qui est le plus agaçant encore, c'est que tout cela semble complètement illogique. Le docteur Millardot a demandé au personnel et aux malades de rassembler un maximum de détails concernant les jets de pierre. Et les détails sont on ne peut plus troublants. Tout d'abord, les bombardements deviennent si intenses qu'il faut rentrer précipitamment les chaises roulantes de malades qui semblent visées. Docteur, c'est invraisemblable. Cette fois-ci, les cailloux semblent être jetés depuis les nouvelles chambres du bâtiment vide. On s'est précipité pour surprendre le coupable. Or, les chambres étaient toutes fermées à clé, et les fenêtres aussi, même que certaines étaient bloquées par de la peinture fraîche. Le docteur Millardot est de plus en plus préoccupé par ces bombardements. Il faut bien admettre que personne n'a été blessé, ce qui est surprenant étant donné la taille des projectiles. En plus, certains malades bombardés se trouvaient dans des angles morts, complètement hors d'atteinte d'un tireur, même le plus habile. Le docteur Millardot pense un moment qu'on essaie de faire baisser la valeur de sa clinique. Il craint aussi qu'un de ses malades ne soit blessé par un caillou volant. Il ne lui reste qu'à aller porter plainte à la gendarmerie. Le brigadier qui reçoit sa plainte ouvre de grands yeux plus qu'étonnés. Il faut toute la persuasion du docteur, honorablement connu depuis longtemps, pour qu'on accepte d'envoyer sur place une petite équipe d'enquêteurs. Il en ressort que Charlotte semble être le noyau magnétique de cette chute de pierre. À nouveau, elle nie absolument en être responsable. D'ailleurs, il apparaît qu'elle ne pourrait pas organiser ces bombardements. Ou alors, elle aurait besoin d'une foule de complices extérieurs à la clinique. Or, Charlotte n'a aucun contact avec l'extérieur. Mais la jeune femme avoue quand même quelque chose. C'est bizarre. Mais quand les cailloux tombent sur quelqu'un, je me sens mieux. Je suis de meilleure humeur. Parfois, je ne sais pas que les cailloux sont tombés sur quelqu'un. Mais dans le quart d'heure qui suit ma sensation de bien-être, j'apprends que les cailloux se sont encore manifestés chez un malade. Un jour, Cyril Porteret, un malade de 35 ans, se trouve au centre du bombardement. Les cailloux tombent drus sur la couverture qui recouvre ses jambes paralysées. Certains semblent peser près de 300 grammes. Mais aucun ne le blesse. Aucun ne lui provoque la moindre douleur. Ils arrivent à toute vitesse et, en quelque sorte, ralentissent au moment de l'impact. C'est parfaitement incompréhensible. C'est fascinant. Ce serait presque amusant, mais Cyril trouve ça horripilant. Alors il pousse ce qu'on appelle un coup de gueule. Il y en a marre de toutes ces bêtises. Quel est l'imbécile qui passe son temps à nous harceler ? Il peut pas s'arrêter un moment ? Et aussitôt, le bombardement cesse, pendant une demi-heure. Puis, à nouveau, un caillou arrive sur les genoux de Cyril. Un tout petit, qui tombe avec un léger mouvement de caresse, comme pour demander pardon. En tout cas, ce caillou, comme tous les autres, arrive bien de nulle part. Après bien des hésitations, le docteur Milardo se décide à alerter un de ses amis, médecin lui aussi, mais passionné par les phénomènes parapsychiques. Celui-ci, Igor Chambure, profite de ses vacances pour venir s'installer à la clinique du Pain d'Or. Après avoir examiné les notes qui constituent le rapport des malades et du personnel, M. Chambure décide d'interroger Charlotte. Celle-ci se révèle être une personne en somme tout à fait banale. Elle avoue qu'elle ne se trouve pas vraiment jolie, qu'elle attend le moment du grand amour, qu'elle rêve de jour et de nuit, comme toutes les jeunes filles de son âge, et elle avoue « J'aime bien qu'on s'occupe de moi, mais je ne veux pas me marier, ni avoir d'enfant. Juste aimer quelqu'un, sans passer devant le maire ni le curé. » Igor Chambure ne peut rien conclure. Mais à partir de ce jour, les chutes de cailloux se font extrêmement rares. M. Chambure occupe depuis quelques jours une chambre voisine de celle de la mystérieuse Charlotte. C'est alors qu'une série de nouveaux phénomènes débute. Une nuit, vers 3 heures du matin, M. Chambure est brutalement réveillé par un coup sur sa porte. Un coup très puissant, comme un coup de poing. Presque aussitôt, un second coup vient ébranler la porte. Puis un troisième, et ainsi de suite. 6 coups à la file, séparés par des intervalles de 6 secondes environ. Dès le troisième, Igor Chambure se précipite vers la porte de sa chambre. Il l'ouvre. Mais au dehors, personne n'est là. Le couloir de la clinique est entièrement vide. Il n'y a personne. Mais le plus curieux, c'est que les coups, oui, les coups de poing continuent. Igor Chambure voit le battant de la porte de sa chambre vibrer à chaque impact, comme si un poing vigoureux mais invisible frappait le panneau de bois. C'est à n'y rien comprendre. Igor Chambure a l'habitude de se réveiller vers 3 heures du matin et était comme hiver pour réfléchir. Il est donc parfaitement lucide au moment où il sent la porte de sa chambre vibrer sous des coups qui viennent du néant. Rien ne viendra éclaircir ce mystère. Il semble impossible que Charlotte ait pu se rendre coupable de tous ces bombardements sans que personne ait pu la surprendre. Alors qui ? Peut-être le fondateur de la clinique des Pins d'Or, mort depuis longtemps, et furieux de voir vendre son établissement.